electrical. Overwhelming. la voix comme ça entendrez une fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis à cette heure-ci, pour vous prier de quitter vos casseroles et vos fourneaux afin de participer joyeusement à notre émission Madame est servie avec Roland Desormeaux et Robert L'Herbier, Alan McIver et son ensemble, ainsi que Marcel Barthes, l'imminente collaboratrice de Rita Martin au laboratoire des meuniers Robin Hood, les excellents meuniers de cette farine garantie de tout usage qui fait l'enchantement des ménagères, la farine Robin Hood. Thank you. oubliez-les pour un instant. Oui. Oubliez-les pour un instant. Voulez-vous? Voulez-vous? Voulez-vous? Oubliez-les pour un instant. Voulez-vous? Voulez-vous? Oubliez-les pour un instant. Voulez-vous? Je ne crois pas. Je vous découvrirai peut-être qu'un peu d'expérience personnelle n'est pas inutile. Oh, qui est-ce qui n'a pas sa petite expérience dans ce domaine-là? Dans ce domaine-là. Et même ses propres problèmes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est la clé de l'entraînement du Kung Fu. Entraînement du Kung Fu. Ceci est la clé de l'entraînement du Kung Fu. Souvenez-vous-en. Donc, again. I got a surprise. Thank you. concentrate. A new, delicious, Soylent Green. The miracle food of high-energy plankton. Gathered from the oceans of the world. Gathered from the oceans of the world. A new, delicious, Soylent Green. Miracle food of high-energy plankton. Gathered from the oceans of the world. Of the world. Gathered from the oceans of the world. Soylent Green. People. Soylent Green is made out of people. Made out of people. Soylent Green is made out of people. Thank you. It's a pleasure for me to be here this afternoon, be able to talk to the people of the city of New York. Bullshit.